Penaud au rendez-vous avec X. Nous sommes des cadavres qui marchent. L'homme qui a prononcé cette curieuse phrase s'appelait Giovanni Falcone. Et ce Sicilien était magistrat, un juge engagé dans une lutte sans merci contre la mafia. Un cadavre qui marche, Falcone ne se faisait pas d'illusions. Quand on s'attaque à la mafia, on est un mort en sursis. Le 23 mai 1992, la voiture du magistrat a sauté sur une tonne d'explosifs. À de nombreuses reprises déjà, M. X a évoqué devant moi le rôle de la mafia en Italie et ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de banditisme. Depuis longtemps, ces organisations criminelles ont gangréné le monde politique et l'activité économique. Et souvent, derrière ces activités occultes, on devine en filigrane la présence des services secrets. C'est en tout cas la conviction de M. X qui me semble bien placée pour en parler. Si j'ai à nouveau questionné mon interlocuteur sur les affaires de la mafia, c'est que je venais de lire un ouvrage passionnant écrit par un autre magistrat italien, Fernandino Imposimato. Cet homme était un ami du juge Falcone. Comme lui, il a engagé une lutte féroce contre la mafia. Comme lui, il a été condamné à mort par Cosa Nostra. Mais les tueurs n'ayant pas réussi à l'atteindre, ils ont assassiné en représailles son frère. Imposimato est donc un survivant. Et la lecture de son ouvrage, Un juge en Italie, publié aux éditions de Fallois, fait froid dans le dos. Surtout quand on s'attarde sur ces quelques lignes qui concluent son livre. Près de 30 années ont passé depuis ma première enquête sur la mafia, celle destinée à élucider l'attentat contre le commissaire Angelo Mangano. Pour moi, rien n'a changé. Des cohortes de parrains et d'hommes d'honneur, grâce aux efforts, à l'abnégation, à la persévérance des enquêteurs, ont fini en prison. Certains en sont sortis faute de preuves, d'autres encore ont été incarcérés. Mais la grande armée mafiosa, avec son puissant arsenal de corruption, occupe toujours les postes névralgiques de la nation. Quand je me suis trouvé au Sénat, ce haut lieu qui se veut dédié à la réflexion, à la sagesse, puis membre de la Cour de cassation, j'ai vu défiler sur mon bureau tous les dossiers de ces juges isolés dans les tribunaux des villes italiennes. La lecture de leurs enquêtes a confirmé ma conviction que Cosa Nostra est toujours présente et puissante, qu'elle investit toujours les postes clés du pays, que sa propagation et son infiltration dans les structures européennes a déjà commencé. Conclusion terrible. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Je n'ai pas lu le livre de Fernandino Imposimato, mais je sais qui est ce magistrat. Un homme très courageux, mais qui a fini par mettre les pouces lorsqu'il a appris que sa femme et ses filles étaient menacées par les tueurs de la mafia. Mais je crois qu'il a d'ailleurs été directement frappé, hein, puisque Franco, propre frère, a été assassiné. Oui, alors même que ce frère n'avait absolument rien à voir avec ses activités. Donc Imposimato a dû s'exiler pour mettre sa famille à l'abri. Et j'imagine que pour ce juge qui avait mis toutes ses forces dans la lutte contre la mafia, ça a dû être un déchirement. Et une défaite. Certainement. Enfin, il ne pouvait pas agir autrement. Pourtant, attendez, dans les années 80, enfin, grâce aux confessions des repentis, puis aux gigantesques procès qui ont suivi, on a pu penser que la mafia était décapitée. Non, quelques chefs et leurs hommes de main sont effectivement tombés. Mais la mafia est une hydre. Dès qu'on coupe une tête, une autre repousse. Et puis Cosa Nostra est plus que jamais puissante. Parce qu'elle a infiltré le tissu social, économique et politique, et que personne ne s'est jamais vraiment donné les moyens de l'abattre. J'ajoute qu'ici même, nous ne sommes pas à l'abri. Vous parlez de la France, là. Oui, de la France et de l'Europe, à Bruxelles aussi. La mafia a poussé ses pions et détourne régulièrement les subventions communautaires. Enfin, je crois que nous en avons déjà parlé ensemble. C'est exactement. En particulier à propos du curieux suicide d'un haut fonctionnaire européen. Oui, j'ajoute que la mafia, sans renoncer à ses méthodes traditionnelles, c'est-à-dire l'assassinat et la propagation de la terreur, a connu une importante évolution. Et de quelle nature? Elle est devenue encore plus agressive, encore plus dominatrice, mieux organisée et centralisée aussi. Et comment vous expliquez cette évolution, hein? Au début des années 80, une guerre impitoyable a opposé les chefs de la mafia. Pour vous donner une idée de la férocité de cette guerre, il faut que vous sachiez qu'on a compté plus de 1000 morts. Ouais, pas mal. Et qui a gagné? Le clan des Corleanais, comme on l'a appelé. En fait, c'était un peu la guerre des anciens et des modernes. Une guerre qui, d'ailleurs, n'opposait pas les familles entre elles, mais qui dépassait ce cadre traditionnel. C'est-à-dire que cette lutte sanglante a opposé des hommes d'honneur appartenant parfois à la même famille. Les hommes d'honneur, comme vous dites, ce sont les membres de la mafia. Oui, hein, enfin, ceux qui ont prêté serment. Ouais. Un serment qui les oblige pour la vie. Ouais. Et l'objectif de cette guerre, hein? La prise du pouvoir, bien sûr. Mmh. Et donc la mainmise sur les formidables revenus de la mafia. Et c'est... Corléonais, hein, c'est ça, le nom de la ville de Corléone, j'imagine. Bien évidemment. En fait, il s'agit tout juste d'une grosse bourgade. Oui, mais qui étaient-ils exactement, ces Corléonais, hein? Des tueurs, des types impitoyables, plutôt frustres. Leur chef, vous avez forcément entendu parler de lui, c'était Toto Riina. Riina, qui a été arrêté il n'y a pas si longtemps. Hein. Non, 1993, je crois, en effet. Ce type a vécu dans la clandestinité une grande partie de sa vie, tout en menant une vie familiale ordinaire. Mmh. Vous avez dit frustes, hein, c'est ça? Des brutes sanguinaires. Mmh. Pour diriger une organisation comme la mafia, il faut quand même un minimum de cervelle, non? Bien sûr. Mais ces Corléonais ont su s'entourer, eux, c'était les chefs, ceux qui régnaient par la terreur. Ils avaient à leur service des gens brillants, capables d'échafauder de subtiles combinaisons financières, ou de donner de précieux conseils en matière d'investissement, ou bien encore d'inventer de nouvelles méthodes pour blanchir l'argent sale. Ouais, HEC, enfin. Ouais, donc, tout à fait, enfin, ouais. Pour résumer, ce tournant dans l'histoire de la mafia, c'est une plus grande centralisation. C'est ça, oui. Il y a un chef, Riina, qui dirige l'organisme exécutif qu'on appelle la commission, ou la coupole. Et qui commande à tous les hommes d'honneur. Et cette centralisation s'accompagne aussi, je vous l'ai dit, d'un raidissement. Désormais, la mafia entend exercer un pouvoir absolu. Oui, mais un pouvoir sur qui? Sur les acteurs économiques et politiques. Pourtant, je croyais que la mafia avait déjà une influence certaine dans le domaine politique. Bien entendu, mais il s'agissait jusqu'alors d'échanges de bons procédés. Les hommes politiques essentiellement, enfin ceux de la démocratie chrétienne, favorisaient les entreprises de Cosa Nostra et protégeaient ses membres. De quelle façon? Par exemple, en leur évitant les foudres de la justice. Ouais. Et en contrepartie, les chefs des familles de la mafia faisaient voter pour eux et leur distribuaient des pots de vin. Mais avec l'arrivée de Riina et des siens, tout change. La mafia entend maintenant être obéie au doigt et à l'œil. Et cette volonté de pouvoir ira en s'amplifiant avec les années. On le verra plus tard, si vous le voulez bien. Mais comment entend-elle y arriver? Par la terreur, naturellement, et par le chantage. Ouais. Les politiciens qu'elle tient doivent filer droit, tout à fait. Ils sont plus des partenaires, mais des obligés. Et dans les procédures d'attribution de marché, ils doivent favoriser les entreprises contrôlées par la mafia. Égard à ceux qui renâclent ou qui refusent de soustraire les membres de Cosa Nostra aux poursuites judiciaires. En 1982, par exemple, un député communiste est assassiné. Il avait osé déposer un projet de loi anti-mafia devant le Parlement. Oui, effectivement. Mais il y a aussi tous ces magistrats. Oui, les magistrats honnêtes. Avec les policiers, ce sont eux qui paient le plus lourd tribut. On ne compte plus les morts au début de ces années 80. Mais je voudrais vous parler d'une affaire qui a sonné comme un avertissement pour tous. Je vous écoute, alors. Roberto Calvi. Ce nom vous dit sans doute quelque chose. Oui, c'est un banquier, c'est ça. Hein? Tout à fait, le patron du Banco Ambrosiano. Et on l'a retrouvé pendu sous un pont de Londres. Oui, un suicide, a-t-on prétendu. En fait, comme vous allez le voir, il s'agissait d'un assassinat déguisé, perpétré par les tueurs de Cosa Nostra. Mais le Banco Ambrosiano, c'est une banque liée au Vatican, n'est-ce pas? C'est en effet une banque catholique, la principale banque d'affaires italienne au début des années 80. Considérable puissance financière. Oui, et le Banco Ambrosiano était très lié à la vraie banque du Vatican, l'IOR, l'Institut des œuvres de religion, qui était alors dirigé par le célèbre Monseigneur Marcinkus. Oui, Marcinkus, garde du corps du pape et banquier du Vatican. Un étonnant personnage, en effet, que ce prélat américain né à Chicago, plutôt sulfureux, et qui a joué un rôle très trouble dans l'affaire Calvi. Vous dire qu'il est responsable de sa mort? En tout cas, il ne l'a guère aidé à échapper à ses assassins, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Alors, au départ, il y a un énorme crack, c'est bien ça, hein? Oui, un considérable scandale financier, puisqu'on a parlé d'un trou d'1,5 milliard de dollars. Mais ce qui est le plus important et qui va expliquer la suite, c'est que Calvi, patron du Banco Ambrosiano, est aussi le financier de la mafia, et particulièrement de ces redoutables Corléanais dont je vous ai parlé. Et autant on peut filouter sans risque de petits épargnants, autant il est dangereux, très dangereux, de s'en prendre à l'argent de la mafia. Oh my. mondo difficile. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. J'ai trouvé dans un petit livre de Paolo Pezzino, Les Mafias, publié en 1999 chez Casterman, une confirmation de l'extraordinaire férocité de la guerre qui a opposé entre eux les membres de Cosa Nostra. Je cite Pezzino. Dans un monde où la principale ressource était la violence et où la suspicion imprégnait l'ensemble des relations entre mafiosi, la guerre était sans doute d'ordre physiologique. Mais ce qui arriva au sein de Cosa Nostra dans la Sicile des années 80 fut sans précédent. Il s'agissait moins d'une opposition entre deux familles et leurs alliés, comme ce fut le cas lors de la première guerre des mafias, que d'une véritable extermination des adversaires, près de 1000 assassinats entre 80 et 83, par les Corleonesi de Rina. Ces derniers ne représentaient pas la famille de Corleone, mais plutôt, comme l'expliqua le repenti Leonardo Messina, un courant de Cosa Nostra. En fait, Rina avait dans chaque famille des hommes de confiance qui lui étaient acquis et qui trahirent leur chef pour s'installer ensuite au poste de commandement. Après la guerre, Cosa Nostra n'était plus la même. À la structure fédérale originelle se substitua une organisation plus centralisée, plus secrète. Tous les plus grands chefs étaient en fuite, plus convaincus que jamais de sa capacité à exercer un pouvoir absolu sur toute l'île. Le parti de Cosa Nostra afficha très vite face à ses anciens alliés, hommes politiques, administrateurs, fonctionnaires de l'État, entrepreneurs, sa volonté d'hégémonie, ce qui entraîna une rupture de l'équilibre existant entre les mafiosi, le milieu politique et les institutions. Mais revenons à Roberto Calvi et à l'argent de la mafia. Curieux bonhomme ce Calvi, une tête rondouillarde d'honnête homme avec une moustache d'employé de bureau. C'est d'ailleurs comme employé qu'il est entré au Banco Ambrosiano tout de suite après la guerre. Et là, petit à petit, il a fait son trou et gravit peu à peu tous les échelons, jusqu'à devenir président de la Banque. Un beau succès, ça. Incontestablement, mais il faut dire qu'il a su, au cours des ans, se confectionner un joli carnet d'adresses. Calvi connaît tous ceux qu'il faut connaître pour réussir dans l'Italie de ces années-là. Donc, tout en étant très copain avec Monseigneur Martin Kuss, il fréquente aussi un certain Licio Gelli. Ah oui, le fameux patron de la loge P2. Oui, oui, Calvi devient même membre de cette loge mafieuse. Mais à l'époque, puisque nous en avons souvent parlé, tout le gratin italien fait partie de cette organisation secrète qui n'a de maçonnique que le nom. Donc Calvi n'est pas plus coupable qu'un autre. Il est tout de même le patron de la plus grande banque privée italienne, et à ce titre. Il a dû jouer un rôle important dans les activités de l'organisation. Vous avez raison. Calvi a facilité toutes les transactions financières de la loge P2 et ses magouilles, c'est certain. Il a en particulier favorisé les placements de Licio Gelli dans les paradis fiscaux. Enfin, c'est surtout ses liens avec la mafia qui nous intéressent aujourd'hui. Encore que tout est lié, puisque Cosa Nostra avait aussi infiltré certains rouages de la loge P2. Ouais, et puis vous m'avez dit que Roberto Calvi était le financier de la mafia. C'est exact, un financier occulte, bien entendu. Mais c'est bien le Banco Ambrosiano qui permettait à la mafia de blanchir l'argent sale de la drogue, du racket et des autres activités illégales de Cosa Nostra. Et non seulement il blanchissait, mais il plaçait les formidables gains de l'organisation criminelle. J'ajoute que Calvi avait choisi le bon camp puisqu'il était essentiellement en relation avec les Corleanais. Les Corleanais, c'est-à-dire le camp des vainqueurs dans la guerre de la mafia. Tout à fait, oui. Donc Calvi se trouve en quelque sorte le gestionnaire du magot de la mafia. D'une partie du magot, car les hommes de Cosa Nostra ne sont pas du genre à mettre tous leurs œufs dans le même panier. Oui, mais vous m'avez laissé entendre précédemment que Calvi avait pris certaines libertés avec cet argent. C'est ça, oui, mais enfin il l'a fait en toute tranquillité. Pourquoi ? Parce que le banquier avait obtenu de solides garanties. Vous verrez lesquelles d'ailleurs. Oui. Mais dès ce moment, le verre est dans le fruit. Et le premier coup de semonce s'est tiré en 1981. C'est la révélation de l'existence de la loge P2. Les autorités italiennes publient une liste de 1000 noms d'affidés à cette organisation secrète. Parmi eux, 3 ministres et des personnages considérables, généraux, patrons des services secrets, prélats, etc. C'est le scandale. Évidemment. Et Calvi figure parmi les membres de cette pseudo-loge maçonnique. Deuxième coup, la Banque d'Italie accuse le Banco Ambrosiano d'exportation illégale de capitaux. Et Calvi, son président, est mis en prison. Ces exportations-là, de quoi s'agit-il au juste ? Calvi, grâce à une filiale installée au Luxembourg, a expédié des dizaines et des centaines de millions de dollars dans des paradis fiscaux, au Liechtenstein et aux Bahamas en particulier. Sur quel compte ? Je vais y venir. L'arrestation de Calvi s'accompagne de la découverte d'un énorme trou dans la comptabilité du Banco Ambrosiano. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Alors là, j'imagine que les clients de la banque, parmi eux surtout les dirigeants de Cosa Nostra, doivent s'affoler. Oui, bien entendu, mais depuis sa cellule, Calvi les rassure. Et il leur parle de ces garanties dont il dispose. Exactement. Des garanties qui ne lui ont pas été données par n'importe qui, mais par le Vatican. Monseigneur Marcinkus. Lui-même. Et je vous explique le système. Marcinkus a besoin de beaucoup d'argent, en toute discrétion, bien sûr. Et pour quelle raison ? Un petit peu de patience. Donc, le prélat, c'est-à-dire l'IOR, l'Institut des œuvres religieuses, s'adresse tout naturellement à son principal partenaire. Donc, le Banco Ambrosiano. Oui, et son président, Roberto Calvi, qui n'a rien à refuser au Vatican, emprunte sur le marché de l'euro-dollar des sommes nécessaires. Et grâce à sa filiale luxembourgeoise, il fait virer cet argent dans des paradis fiscaux sur des comptes que possède l'IOR. Vous me suivez ? Ouais, jusqu'à là, tout à fait. Bon, le Banco Ambrosiano s'est donc considérablement endetté au profit de la Banque du Vatican. Oui, on m'avait dit qu'il y avait des garanties. Effectivement, ce sont des lettres de patronage signées par Marcinkus. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que tous ces mouvements de capitaux donnent lieu au passage à des versements de fructueuses commissions. Des commissions qui ont certainement contribué à creuser le trou. Sans compter les intérêts considérables dont doit s'acquitter le Banco Ambrosiano, puisque ces sommes ont été levées grâce à des emprunts. Et quand la Banque d'Italie commence à s'intéresser à ces faramineuses exportations de capitaux, c'est la catastrophe. Pourquoi exactement ? Parce que soudain, Marcinkus va faire la sourde oreille et qu'il va refuser d'honorer ses engagements. Comment est-ce possible ça ? J'imagine que le Vatican, qui ne déteste rien tant que la publicité lorsqu'il s'agit de ses affaires, en particulier d'argent, a soudain pris peur. Peur d'être mêlé à un scandale financier ? Oui, un scandale politico-financier, puisqu'on venait de découvrir que des prélats étaient mouillés dans l'affaire de la loge P2. Et que le patron du très catholique Banco Ambrosiano était un membre éminent de cette organisation secrète. Donc, marche arrière, toute. Attendez, Calvi devait quand même détenir des documents écrits. Les fameuses lettres de patronage, c'est juste. Ah oui. Des lettres qui portaient la signature de Mgr Marcinkus. De très précieux documents. Et quand les chefs de la mafia commencent à s'affoler, Roberto Calvi leur fait savoir qu'il détient ces lettres et que le Vatican sera bien obligé un jour ou l'autre de rembourser. Ouais, donc ne vous inquiétez pas, c'est ça. Oui, mais à Cosa Nostra, on ne se contente pas de croire Calvi sur parole. Marcinkus s'est approché et là, nouvelle catastrophe. Quoi ? Le prélat refuse une nouvelle fois de rembourser. Ouais, il prend des risques. Hein. Incontestablement. Même s'il est difficile pour la mafia de s'en prendre à un personnage aussi éminent de l'Église ? Ah, vous croyez ? Est-ce que le pape lui-même n'a pas été frappé ? Et tenez, coïncidence étrange, Jean-Paul II essuie les coups de feu d'Ali Aksa au mois de mai 1981. Et c'est aussi au mois de mai 81 que Roberto Calvi est mis en détention. Mais pas me dire qu'il y a une relation entre le scandale du Banco Ambrosiano et puis l'attentat contre le pape. Non, j'ai pas dit ça, encore que... Alors, soyez clair, qu'est-ce que vous... Je vais être très franc, je ne connais pas la vérité à propos de l'attentat contre Jean-Paul II, même si je ne désespère pas d'avoir un jour des lumières. Mais Ali Aksa n'a pas agi tout seul. Oui, je sais qu'on a parlé des services bulgares et donc du KGB. Oui, je sais, mais enfin, ça me paraît un petit peu trop simple. Ce pape ne gênait pas que les soviétiques. Il voulait mettre de l'ordre dans une maison passablement corrompue. Il voulait nettoyer les écuries d'Augias, et ça ne plaisait pas à tout le monde. Ali Aksa était le bras armé, mais il y avait un cerveau derrière. Oui, d'accord, c'est passionnant tout ça, mais enfin... J'espère que vous m'en parlerez peut-être un jour, mais enfin, nous nous éloignons de notre sujet. Vous avez raison. Donc le contact entre les chefs de la mafia et Marcinkus est négatif, provisoirement en tout cas. Le résultat, c'est que l'organisation criminelle va mettre la pression sur Calvi. Calvi qui est en prison. Enfin, vous n'ignorez pas que les prisons italiennes sont des passoires pour la mafia. Ouais. Elle y fait la loi et lorsqu'il le faut, elle y règle ses comptes. Un autre banquier, compromis lui aussi dans des affaires louches et mafieuses, a été ainsi empoisonné dans sa cellule. Et ça, malgré la surveillance dont il était l'objet. Oui, Sindona, c'est ça. Michele et Sindona, oui. Ouais. Donc la mafia va serrer Calvi de très près. Ouais. Mais lui, Calvi, ne possède plus l'argent, c'est Marcinkus. D'accord, hein. Ne possède pas l'argent, mais il détient les documents, les lettres signées par le prélat. Et la mafia est prête à tout pour récupérer ses papiers et les utiliser à son profit. En 1990, à l'heure où la justice italienne, enfin, va juger les principaux responsables du krach du Banco Ambrosiano, à l'exception de Calvi qui est mort et de Marcinkus absent, le journal Le Soir confirme l'existence des rapports entre la Banque Vaticane et l'établissement dirigé par Roberto Calvi. Je cite. Calvi, en difficulté, était couvert par des lettres de parrainage de l'Institut des œuvres religieuses, l'IOR, la Banque du Vatican, où Mgr Marcinkus, lui-même président de la Banque Vaticane et ancien garde du corps de Jean-Paul II, engageait vis-à-vis de Thiers la responsabilité morale de l'Institut. En clair, face à un Roberto Calvi qu'il savait en déconfiture, Marcinkus aurait donné des garanties bancaires qu'il devait ultérieurement ne pas respecter. Dans ce cadre, lettre de parrainage et lettre d'annulation de parrainage ont été retrouvées jointes, ce qui n'a pas laissé d'intriguer les enquêteurs. La pression politique sur le Vatican a été telle, Mgr Marcinkus avait déjà été mis en difficulté lors du scandale Sindona, que trois experts laïcs ont finalement été invités à vérifier les comptes et à rendre leurs conclusions aux experts chargés du sauvetage du Banco Ambrosiano. Dans le même temps, l'attention de l'Italie a été attirée sur une banque catholique mais peu orthodoxe, participant amplement à l'évasion de capitaux vers les paradis fiscaux. Cette banque, c'est bien entendu l'IOR. Calvi connaissait suffisamment les méthodes de la mafia pour savoir que la possession des lettres signées Marcinkus était sa seule chance de rester en vie. Mais il savait aussi qu'il ne serait jamais quitte avec la mafia tant que la Banque Vaticane n'aurait pas remboursé. Mais que pouvait-il faire ? Écrire, implorer ou menacer à son tour. Menacer, ça s'appelle du chantage, non ? Appelez ça comme vous voulez. Enfin, Calvi joue sa peau, il est prêt à tout pour s'en tirer. Alors il envoie lettre sur lettre. À Marcinkus, au pape, à des hommes politiques qui ont l'oreille du Vatican, et à tous, il ne manque pas de faire savoir qu'il détient des documents compromettants. Mais c'est l'aide de patronage. Oui, mais enfin, il n'y a pas que ça. Calvi, c'est essentiel, connaît les secrets de tous ces comptes que possède le Vatican dans les paradis fiscaux. Et il sait surtout à quoi et à qui ont servi les millions de dollars qui sont passés sur ces comptes. Et justement, vous pourriez peut-être m'éclairer maintenant. Hein? Non, n'allons pas trop vite. Que voulez-vous ? On ne s'en refait pas. Bon, d'un autre côté, pour la mafia, l'urgence, c'est d'obtenir au plus vite la libération de Roberto Calvi. Oui, pour mettre la main sur les fameux documents. Bien sûr, tant qu'il est en prison, Calvi est en quelque sorte protégé. Mais pourtant, vous avez dit que la mafia faisait la loi dans les prisons italiennes. Il ne servait à rien de le faire assassiner. Ce qu'il fallait, c'était l'avoir vivant et le faire parler. Et ensuite, naturellement, on pouvait en terminer avec lui. Oui, c'est-à-dire le liquider. Évidemment. Hein. Alors, grâce à leurs relations politiques, les Corléonais obtiennent le dépaysement de l'affaire, comme on dit, et le transfert de Calvi à Rome. Rome où les magistrats n'ont rien à leur refuser. Et que veulent-ils obtenir exactement ? La libération provisoire du banquier. Et ils réussissent ? Oui. Mmh. Calvi est donc libéré. À peu près un an après son incarcération. Oui. Mmh. Et j'imagine qu'il ne doit pas emmener large, hein, parce que lui, il connaît les vraies menaces qui passent sur lui. Non, mais c'est évident. Enfin, vrai ou faux, il apprend au moment d'être libéré que Marcinkus va faire un geste. C'est-à-dire un geste. Le prélat lui fait savoir que l'IOR envisage de rembourser plusieurs centaines de millions de dollars. Et Calvi commence un peu à respirer. Il pense qu'il va s'en sortir. Oui, dès sa sortie de prison, il est pris en charge par des amis très attentionnés. Mais qui Des hommes de la mafia, bien évidemment. Qui entendent récupérer les précieux documents. Exact. Mmh. Ils n'ont aucun mal à convaincre Calvi de fuir l'Italie, où à tout moment, il peut retourner en prison. Et Calvi fait confiance à ces hommes de la mafia ? Il n'a peut-être pas le choix. En tout cas, ses très bons amis lui procurent un faux passeport. Et Calvi, toujours en leur compagnie, s'envole pour Londres. Le voyage est parfaitement organisé. Ces hommes de la mafia sont très efficaces dans ces cas-là. Une vraie agence de voyage. Mmh. Et les documents ? Calvi les garde avec lui. Et il part pour Londres avec son trésor. Malheureusement, vous ne pouvez pas l'ignorer, une semaine plus tard, Roberto Calvi est retrouvé sous un pont de Londres. Apparemment, il s'est pendu. Et l'attaché-caisse dont le banquier ne se séparait jamais avait disparu. On le retrouvera plusieurs années plus tard, vide, naturellement. Vous avez dit apparemment, il s'est pendu. Ce pseudo-suicide ne trompe personne. Pourtant, si je me souviens bien, les autorités britanniques vont longtemps accréditer la thèse du suicide. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais il faudra l'obstination de la famille et celle d'un magistrat romain pour qu'enfin on reconnaisse la vérité. Mais très tardivement, 7 ou 8 ans après les faits. À partir de quels éléments on a pu établir que le suicide avait été maquillé en homicide ? Plusieurs. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de médecine légale. D'ailleurs, j'en serais bien incapable. Mais je crois me souvenir que les experts ont d'abord relevé que les lésions constatées sur le cou du banquier ne correspondaient pas à celles qui sont laissées par une pendaison. Ouais, ça veut dire que Calvi a été étranglé avant d'être pendu. Vraisemblablement. D'autres experts ont ensuite examiné les lieux. Les lieux, c'est-à-dire le pont. Oui. Ouais. Ils ont remarqué que pour se pendre aux poutrelles métalliques, Calvi aurait dû posséder de véritables dons d'acrobate. Or, le banquier, qui avait alors plus d'une soixantaine d'années, n'était physiquement pas en mesure d'escalader ses poutrelles. Puis, si je me souviens bien encore, le nœud de la corde, un nœud très sophistiqué, a aussi étonné les enquêteurs. Donc c'est clair, on a aidé Calvi à se suicider. Ouais. Et les coupables sont aussi les hommes de la mafia qui l'ont accompagné à Londres. Ben ça me paraît probable. Voyez-vous, il ne pouvait pas en être autrement. Quoi qu'il fasse, Calvi était condamné, il en savait trop. Et à partir du moment où les documents qu'il détenait avaient été récupérés, il était évident qu'il fallait le supprimer. Alors d'après vous, ces précieux documents-là sont passés directement dans les mains de la mafia? Tout à fait. Et les hommes de Cosa Nostra, même si je n'en ai aucune preuve, ont dû en faire un usage très fructueux. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Pas qu'ils avaient dès lors à leur disposition non seulement un moyen de récupérer leur argent perdu dans le crack du Banco Ambrosiano, mais aussi un moyen de faire chanter le Vatican. Faire chanter le Vatican, vous êtes sérieux? Absolument. Je sais que des négociations très directes ont été engagées entre les représentants de la mafia et les plus hautes autorités religieuses. Vous voulez dire le pape? Pas le pape, non, enfin tout de suite au-dessous de lui. Quant à Martincus, vous le savez, il a été rapidement mis au rancard et renvoyé dans son Amérique natale. Le Vatican devait à tout prix éviter le scandale. Mais le résultat, c'est que les Corleonais, en ce début des années 80, après avoir mis les hommes politiques au pas, ont encore accru leur influence sur les milieux ecclésiastiques. Maintenant, peut-être temps de me dire enfin à quoi ont servi ces sommes colossales mises à la disposition de Mgr Marcinkus. Eh bien, Marcinkus, mais il n'était pas seul dans cette affaire, avait mis en place tout un système de financement clandestin de mouvements ou de régimes anticommunistes à travers le monde, en Amérique du Sud et ailleurs. Et là où le bât blessait, c'est que certains de ces mouvements étaient rien moins que démocratiques. Donc ces financements devaient rester absolument secrets. Et il ne fallait pas que le Vatican soit soupçonné. Bien entendu, imaginez le scandale si on avait appris que le Vatican donnait de l'argent à des organisations fascistes pour leur permettre d'acheter des armes. Or, c'était le cas. La vérité m'oblige à dire que des mouvements plus démocratiques ont aussi reçu de l'argent par ce biais. Et qui, par exemple? Solidarność, le syndicat de l'Ejvalesa, enfin passons. L'important, c'est la montée en puissance de la mafia qui se joue désormais des autorités. 3 mois après l'assassinat de Calvi, le nouveau préfet antimafia de Palerme, le célèbre général Dalla Chiesa, est abattu en compagnie de sa femme et de son chauffeur. Un véritable défi au pouvoir, et ce n'est pas fini. La semaine prochaine, je vous propose d'écouter la suite de ce long dialogue riche en révélations. Mais pour en terminer, je reviens à ce livre du juge Imposimato, récemment publié par les éditions de Fallois. L'ancien magistrat cite une lettre de Calvi écrite 15 jours avant sa mort, lettre adressée au cardinal Palazzini. J'en extrais ceci qui confirme en partie les allégations de M. X. Monseigneur Marcinkus refuse toujours de me rencontrer. Je peux indiquer, si vous le souhaitez, les lieux et les circonstances au cours desquelles ont eu lieu les remises de fonds, le montant des sommes et les numéros des comptes courants, en rappelant que grand nombre de ces financements et pourcentages concédés par le Banco Ambrosiano à des partis et des hommes politiques l'ont été à la demande du Vatican. Dans une autre lettre, il est encore plus précis. Maintenant que je suis abandonné et trahi par mes plusieurs alliés, il m'est difficile de ne pas évoquer les œuvres accomplies avec les représentants de la place Saint-Pierre. Je me suis prodigué en Amérique latine dans différents domaines, m'occupant même de fournitures de navires de guerre et autres matériels militaires pour contrer efficacement la progression des forces communistes. Grâce à mes interventions, l'Église a pu conserver sa présence et son autorité dans des pays comme l'Argentine, la Colombie, le Pérou, le Nicaragua. Et le banquier conclut que l'on me restitue les sommes que j'ai avancées pour réaliser des projets permettant l'expansion politique et économique de l'Église, que me soient donc rendus les 1 000 millions de dollars que, sur ordre du Vatican, j'ai avancés en faveur de Solidarność, que l'on me rembourse les 175 milliards de dollars qui ont servi à implanter des centres financiers et politiques dans les pays de l'Amérique du Sud déjà cités, que l'on reconnaisse l'immense travail que j'ai réalisé pour l'Église et que Marcinkus et Casaroli tiennent leurs engagements en ma faveur. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec X, et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com.